Français, mieux vaut la mort que l'esclavage. Gloire qui tombera, tout seul ouvrage. La France renaîtra. Non, non, la France bouge, elle le voit rouge. Non, non, assez de trahison. Non, non, la France bouge, elle le voit rouge. Non, non, assez de trahison. Être insolent, tais-toi. Voici venir le roi et notre race. Cours au-devant de lui, vile à ta place. Notre roi nous conduit. Nin, nin, la France bouge, elle le voit rouge. Nin, nin, les Français sont chinés. Nin, nin.